J'ai l'esprit tranquille quand sur moi j'ai 7. J'ai l'esprit tranquille, tranquille. Mais je veux butiner comme un 7. J'ai l'esprit tranquille, sur moi j'ai 7. Ils prennent dans la savane en ZML. Je suis tranquille, je comme un 7. Trop flore quand me parle pas de code. Un 8, c'était comme Pumba, je vais sortir un 9. Vainqueur du combat, je suis sorti à 9. Je connais bien leur routine, donc un jeu les boutiques. Je stream, je bug quoi quand faut couper en 4. 2-0-4, c'est pour SD. Y'a des chargeurs en plus, je fais plus de 4 contre 4. Après on replate, faut pas contre-pied. Tête de pépé, je peux pas faire ma vie sans tal. J'ai pris 3 plaques, j'en veux une centaine. J'ai payé une black, j'ai pris une centaine. Mandage au gars, quoi ça coupe. Des centaines de meules, j'ai fait tourner des centaines de bulles. Centaines de bulles. Quand je réceptionne le nouvel arrivage, c'est la tempête des neiges. Croquette, moi je suis pas trop tête de bulles. C'est des vraies têtes de meules. Elle veut la croisière, j'enchaîne les transacts depuis la troisième. Bébé, 3 heures, j'allume ma troisième. Les ouais, les ouais, les ouais. Ah, esquive la pomme, esquive la quoi? Poussé de balcon, Olivier Tom, j'allume ma cône sur les balles. Mais toi, quand j'arrive, je suis comme un fruit. Tout vos vaut comme un Pavlovski. Si veille, c'est les travaux et le train aussi. Je peux pas les travaux, les travestis. Je peux traverser le tableau comme Kaczynski. Respire, c'est me, je respire. Ma kick ou même un spire. On a l'eau dans la quiche, j'suis le même empire. Pas le même barra, pas le même empire. J'ai du viscère, les camés quoi? Me cramer quoi? Me cramer comme? Je suis cramé, qu'est-ce que les caméras? Mais j'ai ramené quoi? Détaillé. Je fais trembler le muggy. Tu m'as buggy, là ça c'est ma muggy. Tu m'as buggy si je te sors un nugger. Fouta et yéyé, t'as compris qu'un buggy. J'esquive la com. La commission. Poussé de balcom, Olivier Tom. J'allume un cône sur le balcon. Faut du balcom, Marcus Rashford. Je sais qu'elle me connaît, elle fait la conne. Comme je sais qu'elle fait la fellation. Non, j'avais pas prédit de la. Non, j'avais pas prédit d'être relaxé. La plupart ils souhaitent mon malheur. J'aime pas trop l'écoute, ouais, je les écoute pas. À part ça, c'est ça, que du blabla. Ça, c'est de course, monsieur. Je mets les mêmes soupapes. Encore un pour son nez. Que des 3 points, j'explose le panier. Tu veux montre poignet, t'as même pas épargné. J'sens un peu que moi, j'aime pas trop les coups de poing. Je les écoute pas. Buzz ou pas, j'suis le même loupa. Persistance sur le pas, j'mets les mêmes soupapes. Graisse ou pas, j'ai la même fin de sous. J'ai pas de boxe anglais, j'me la mets sous le bouche. J'arrive comme un fou. J'claque pas tous les sous, j'mets un peu sur, j'fais gaille. J'arme le cerf comme ils sont pas réga. T'as pas fait un sou, t'es en pétage. De câble, pétage de câble. Moi, j'débranche les câbles, j'replaque, j'décale mon cœur bas à 100 000 à l'heure. Eux, ils font faire du copier-coller. J'crois que j'dois remettre les pendules à l'heure. J'meurs pour mon frère, pour mon père. Tu veux même pas un plomb, viens on coume après. Tellement crée, viens voir comment on crée. Dans la cabine en feu, j'suis comme un pot à cras. Bref, la plupart ils souhaitent mon malheur. À part ça, c'est que du blabla. Que du bruit, c'est des tarpés à blanc. Je suis pas loin du drablan quand le fer il fait. J'en vois que des. Faux vilains au bled. J'peux pas cicatriser mes plaies. J'hésite pas à bipper mon plaid. Ma bitch va nettoyer mon gun. Gun. Moi j'ai plus de cœur comme Egan. Les ennemis veulent barrer ma gueule. Gueule, gueule, j'ai que c'est ça qu'ils veulent. J'en vois que des. Faux vilains au bled. J'peux pas cicatriser mes plaies. J'hésite pas à bipper mon plaid. Ma bitch va nettoyer mon gun. Moi j'ai plus de cœur comme Egan. Les ennemis veulent barrer ma gueule. Gueule, gueule, gueule.